Alors, pour les lions, que va-t-il se passer au mois de mars 2022? Selon le Béline. En tout cas, on demande le conseil au jeu de cartes Béline. Pour les lions, mars 2022. Bon, alors ici, il s'agit d'apaisement par rapport à quelque chose vraiment qui... une attaque, des querelles, des choses assez... lourde. Il s'agit souvent d'affrontements avec cette carte de la méchanceté, et la carte bleue, eh bien, elle apaise le côté négatif de cette carte. Elle l'annihile carrément, donc c'est vrai que normalement, il va s'agir de réconciliation. Mais on va voir la suite du tirage. Lion. Lion, mars 2022. Oh. Oh là là. Ah là là là là. C'est très très très bon pour vous, mes amis lions. Alors, apparemment, vous êtes dans une période d'honneur, de réussite, de succès. Vous allez être mis à l'honneur d'une façon ou d'une autre, surtout au travail, j'ai l'impression. Si vous ne travaillez pas, c'est dans vos activités, dans vos initiatives diverses. Puisque, alors, j'essaie de vous montrer, puisque la paix rayonne sur le jeu. Donc, on est bien dans le domaine des activités et du travail. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une nouvelle de contrat. Donc, si vous cherchez un emploi, eh bien, le mois de mars est extrêmement favorable. Si vous recherchez des aides auprès d'administration ou autre, eh bien, c'est extrêmement favorable aussi. De toute façon, vos projets sont vraiment amenés à réussir et à vous apporter de la satisfaction. Alors surtout, amis lions, ne restez pas sous la couette, bougez-vous. Le mois de mars est excellent pour toutes vos activités, pour vos projets, vos initiatives.